L'actualité à Nancy et ailleurs. Monsieur Rabot, bonjour. Vous êtes professeur au service des maladies infectieuses et tropicales du Centre hospitalier régional universitaire CHRU de Nancy. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour faire un point d'information sur la situation sanitaire liée au Covid-19. Au CHRU de Nancy, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes hospitalisées et en réanimation à cause du Covid-19? Alors, actuellement, il y a des gens hospitalisés, hein, un nombre significatif, mais relativement stable. Aujourd'hui, c'est 95 patients qui sont hospitalisés et qui sont porteurs du virus. Ils ne sont pas forcément d'ailleurs malades du virus. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens là-dedans qui viennent pour autre chose. Et comme on fait un dépistage systématique, on les trouve positifs, même s'ils ne présentent pas de signes en lien avec la Covid et qui viennent pour autre chose à l'hôpital. Et il y a parmi ces patients 27 qui sont en réanimation, là, effectivement, pour des troubles liés graves liés à la Covid, mais surtout à l'ancien variant qui reste le variant Delta, plus que le variant Omicron, et des gens qui, pour la plupart, sont malheureusement des gens non vaccinés. Concernant le variant Omicron, vous validez qu'il est moins dangereux que les précédents ? Alors, la dangerosité, c'est quelque chose qui est difficile à évaluer. En tout cas, pour chaque individu, Omicron, la probabilité de faire une forme grave est plus faible qu'avec Delta. Donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup de formes, donc au total, ça peut faire quand même un certain nombre de formes graves, même si c'est un petit pourcentage des formes de Omicron, mais à l'échelle individuelle, effectivement, face à Omicron, la probabilité de faire une forme grave est beaucoup plus faible qu'avec Delta. Avec le variant Omicron, il y a beaucoup de cas, on le sait. Est-ce que ça crée une immunité naturelle pour les personnes infectées ? Alors, les gens qui développent une infection à Omicron vont développer des anticorps spécifiques de ce virus qui vont être plus adaptés à ce virus et à empêcher qu'il ne revienne qu'à pu donner la vaccination qui avait été faite sur un modèle viral historique qui était le virus initial de Wuhan, qui est quand même assez différent de Omicron puisque Omicron résulte d'un certain nombre de mutations. Donc, l'immunité obtenue après une infection à Omicron et par rapport à un risque de réinfection, de nouvelle infection à Omicron, est bon. Et en cela, si un grand nombre de personnes sont touchées par Omicron, on peut considérer que, quelque part, cette immunité empêchera que ces personnes ne refassent la maladie et donc que le virus ne retrouve des personnes chez qui se multiplier et passer de l'une à l'autre. Donc cette idée un petit peu d'immunité collective, même si c'est très difficile de l'atteindre, puisqu'il faut avec la contagiosité d'Omicron, il faudrait que vraiment énormément de gens soient touchés. Mais en tout cas, a plus de sens, puisque là, le virus va très vite, touche quand même beaucoup de monde et finit par générer une barrière à sa propre propagation. Une fois qu'il a atteint quelqu'un, cette personne ne peut plus être à nouveau un maillon de la chaîne de transmission. Que pensez-vous de faire passer le pass sanitaire en pass vaccinal ? L'idée, effectivement, est une façon supplémentaire de faire pression sur les non-vaccinés. Donc, c'est toujours la question de la vaccination obligatoire, sans le dire. C'est une question qui est éminemment plus aujourd'hui politique que scientifique ou médicale. L'idée que tout le monde soit vacciné est pour nous une bonne idée. La méthode pour le faire, le pass vaccinal au lieu du pass sanitaire, est-ce une bonne méthode ? Ça, c'est pas à moi qu'il appartient de répondre à cette question. Si j'ai été testée positive au Covid, mais que je n'ai pas fait ma troisième dose, combien de temps je vais devoir attendre avant de pouvoir me refaire vacciner à nouveau ? 3 mois. Normalement, il faut attendre 3 mois. Votre pass sanitaire ou vaccinal demain restera, lui, valable 4 mois après la Covid et dans l'attente de la troisième dose, ce qui vous laissera 1 mois de battement pour faire cette troisième dose et que votre pass sanitaire ou demain vaccinal puisse être poursuivi. Mais pendant 3 mois, on vous recommande de ne pas vous vacciner. J'ai commencé à avoir des symptômes en début de semaine, j'ai vu des amis, je me suis fait tester et je suis négative. 2 jours plus tard, je suis positive au Covid. Est-ce que j'étais déjà contagieuse à l'apparition des premiers symptômes ? Normalement, quand on a les premiers symptômes, effectivement, on est contagieux un petit peu avant. Donc déjà la veille, possiblement, on est contagieux. Merci professeur Rabot d'avoir répondu à toutes mes questions. Je le rappelle, vous êtes professeur au service de maladies infectieuses et tropicales au CHRU de Nancy. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.